les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans la longue histoire du conflit israélo-arabe, la guerre déclenchée le 5 juin 1967 constitua un tournant dont les conséquences portent jusqu'à aujourd'hui. En 2006, dans l'un des épisodes d'une série qu'il consacrait à l'histoire du conflit, Marc Kravetz racontait l'enchaînement d'événements qui vit Israël attaquer son voisin égyptien et, au terme de 6 jours d'affrontement seulement, multiplier l'étendue de son territoire par 5 en occupant la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan, le désert du Sinaï et la partie est de Jérusalem. Une histoire tissée par les souvenirs de jeunes soldats de Tsahal au moment des faits, devenus par la suite journalistes, écrivains, hommes politiques ou historiens, en l'occurrence Raïm Ghouri, Yossi Alfer, Dan Meridor et Zev Sternel. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 août 2006. 1947-1974, mémoire israélienne, mémoire palestinienne. Argentina. Abstention. Par Marc Kravetz. Tchécoslovaquie. Gilles Mardi-Rossi. Aujourd'hui, 5 juin 1967. Alors, la guerre. Poland. Yes. United Kingdom. Abstain. United States. Yes. J'étais alors à l'âge de 44. J'étais capitaine de réserve. Quand nous l'avons rencontré pour la première fois dans notre histoire, Raïm Ghouri était déjà capitaine, mais dans la Haganah, la principale milice juive de l'époque. 20 ans ont passé, Ghouri est désormais capitaine, mais dans la réserve de Tsahal, l'acronyme en hébreu des forces de défense israélienne, le nom complet de l'armée israélienne. Le 14 mai 1967, on fit appel aux réservistes. Un signe qui ne trompait pas. Raïm Ghouri. Dans les jours de fête des jours d'indépendance en 1967, on a parlé qu'il y a des forces égyptiennes qui passent le canal de Suez vers le désert de Sinaï. Le 18, l'armée israélienne a commencé à démobiliser quelques unités. Dans quelques jours, nous étions dans cette atmosphère terrible d'avant la guerre des six jours, c'est-à-dire l'armée jordanienne, l'armée syrienne, mobilisation générale, des manifestations dans la place de la libération dans la capitale égyptienne, des discours de gloire. Ahmed Choukeri, par exemple, Ahmed Choukeri, qui était avant l'Arafat le chef de l'OLP, a donné une conférence de presse dans l'hôtel intercontinental là-bas, Mons Campus. Un journaliste français lui a posé la question: qu'est-ce que vous allez faire avec les juifs de la Palestine après la victoire arabe? Il a dit: il n'y aurait pas de problème juif en Palestine, c'est tout. Alors l'atmosphère a été terrible. Et je dis à ma femme Alika: si on me mobilise aussi, c'est la guerre. Il a dit: pourquoi? Vous êtes tellement important. Il a dit: non, le contraire. Si on va mobiliser aussi les réservistes de mon âge, c'est-à-dire qu'Israël a besoin de chaque fusil. Alors j'étais mobilisé l'année et le mois de 25 de mois de mai avec mon unité. Il y a un mot d'écho dans les radios. Un des mots d'écho était le dernier des justes. On lui a raconté après la victoire à Schwarzbart que son livre, qui était des symboles de la mort des faibles, alors on a dit qu'il s'est mis à pleurer. Il a été tellement bouleversé de ça. Notre devoir était de défendre la ligne verte qui partage Jérusalem, pas dans le désert de Sinaï. 20 mètres au-delà de, c'était de la Transjordanie, les armées jordaniennes. l'atmosphère était terrible. Tous les touristes quittaient Israël, même des Israéliennes qui avaient double identité ou passeport étranger. C'était alors une journaliste israélienne très connue, d'origine hongroise, qui s'appelait Ephraim Kishon, qui a dit « Quelle nation bizarre !» Quand la situation est dorée, c'est un peuple de merde. Quand la situation merdique, c'est un peuple d'or. C'est-à-dire, tout le monde était d'amitié, de fraternité, de gentil avec les voisins. Jacques Garat, le journal d'Interactualité. La guerre a éclaté ce matin au Proche-Orient. Les choses ont été en s'aggravant de plus en plus tout au long de la matinée. Tout a commencé, vous vous en souvenez si vous avez écouté France Inter, tout a commencé aux premières heures du jour entre Israël et la République arabe unie. Mais à présent, tous les pays arabes, comme ils s'y étaient engagés d'ailleurs, tous les pays arabes soutiennent effectivement, militairement, les Égyptiens. Les combats sont engagés, bataille au sol avec les chars et l'artillerie, bataille aérienne surtout. Les Israéliens assurent que plus de 150 avions égyptiens déjà ont été abattus et les Égyptiens, eux, revendiquent déjà la mise hors de combat de 70 avions israéliens. Les aviations arabes ont commencé de bombarder Israël. Des combats au sol ont lieu. La vieille ville de Jérusalem est incendiée. Le 5 juin, le matin, j'ai reçu un ordre de remplacer une unité d'armée régulière pour défendre les côtés du nord du front avec ma compagnie. À 10 heures, j'attendais des coups de feu, des mitrailleuses, mais après quelques minutes, des mortiers. Tout a été en flammes. Ainsi, après des semaines de crise, après des années d'escarmouches aussi, c'est la guerre qui a éclaté avec une violence qui paraît d'autant plus grande qu'elle a été plus longtemps contenue. Nous avons eu quelques difficultés au cours de la matinée. Vous nous avez suivi, je pense, à entrer toujours quand nous l'aurions voulu avec nos correspondants. Mais nous avons eu, il y a un instant seulement, André Chemama, l'envoyé spécial permanent de l'ORTF à Jérusalem. André Chemama. La Jordanie et la Syrie sont bien engagées dans le conflit qui a commencé ce matin à la seule frontière israélo-égyptienne. De ces trois fronts, des bombardements ont pris comme objectif les villages agricoles, Kibboutzim et Moshavim, dans la région de Gaza et le long de la frontière jordanienne et syrienne. La ville de Natania, station balnéaire au nord de Tel Aviv, a été bombardée par des avions jordaniens, ainsi que la ville de Megiddo. Au-dessus de cette ville, deux MiG syriens ont été abattus. Un village arabe de Galilée a également été bombardé par l'aviation syrienne. On dément à l'instant une information de source jordanienne selon laquelle l'enclave israélienne du mont Scopus, en territoire jordanien, aurait été occupée. À Jérusalem, le bruit des détonations a diminué d'intensité, mais une forte odeur d'incendie se fait sentir depuis quelques instants. Les services des pompiers n'ont pas été mis en action et il est possible que ces fumées aient été portées par le vent depuis la partie jordanienne de la ville où, effectivement, des incendies ont été signalés. Cette guerre nous a été imposée, c'est la vérité. L'idée qu'on se fait aujourd'hui de ce plan machiavélique qui consistait à abattre l'Égypte en juin 67, il n'y avait pas de plan machiavélique. Il n'y avait même pas de. Il y avait un plan, parce qu'il y a des plans pour tout, et puis il y a eu 3 semaines pour mettre tout cela au point. Malheur à qui tirera le premier, avait dit le général de Gaulle quand il avait reçu Abba Eban, alors ministre israélien des Affaires étrangères. À l'époque, il y eut à la fois de la confusion, bien entretenue, une rude polémique pour suivre. Plus personne n'en discute aujourd'hui. C'est évidemment Israël qui a ouvert le feu le 5 juin 1967. Mais avait-il le choix ? Pour l'historien Zev Sternel, qui était également officier en 1967, la question ne se posait pas. Depuis des mois, le président Nasser multipliait menaces et provocations. Dernier en date, le blocus maritime du golfe d'Aqaba afin d'empêcher l'approvisionnement pétrolier d'Israël par la mer Rouge. Fort de l'appui de l'Union soviétique et de la supériorité arithmétique des forces armées arabes, Nasser croyait-il vraiment libérer la Palestine, comme il disait, et en finir avec l'État d'Israël ? C'est au moins ce qu'il proclamait. D'autres l'ont cru aussi. En Israël, pour la population au moins, il s'agissait bien d'une question de vie ou de mort. C'est seulement après qu'on baptise les guerres, et nul ne peut savoir alors que celle qui commence le 5 juin à l'aube sera la guerre des 6 jours. Pas plus que les autres, le jeune Dan Meridor, quand il rejoint son unité de char dans le désert du Sinaï. Je me souviens de cette guerre, mais je me souviens très bien de la guerre des 6 jours, bien entendu, parce que je prépare à cette guerre, et c'était une expérience extraordinaire, bien entendu, pour moi. J'avais 20 ans, très jeune, et je me souviens de la situation, les conditions qui étaient ici avant la guerre, quand tout le monde a pensé qu'Israël va être anéanti par les Arabes, parce qu'on a parlé de Nasser et des autres Arabes, les Jordaniens, les Égyptiens, les Syriens, on parlait de anéantir Israël, très simplement, à la radio. Je me souviens, le sentiment dans le public israélien et dehors, en Europe, était très grave. Il faut dire que chez nous, les soldats, c'était très clair que nous gagnerons. Mais je me souviens, les journaux, je me souviens, les nouvelles à la radio. On n'a pas eu, je pense, la télévision ce jour, peut-être. Mais c'était intéressant. Ça a pris 5 ou 6 jours et c'était fini. J'étais là en la unit, comment on dit, unit de l'armée, squadron, bien brigade qui était à la front de la guerre avec les Égyptiens, et nous avons eu cette guerre pendant les 5 jours jusqu'à vendredi matin, quand nous sommes venus à le canal de Suez, je me souviens très bien. C'était un sentiment de victoire, de salut, un sentiment de salut et d'un désastre qui était préparé pour nous par les Arabes. Et voilà ce que l'on pouvait entendre ce matin à l'écoute de Radio Le Caire. On peut dire, Michel Forgit, sur ce que nous venons d'entendre, que l'annonce des hostilités a été accueillie avec enthousiasme dans la capitale égyptienne. Dans les rues, les Égyptiens manifestaient bruyamment leur joie. Pour eux, la guerre est la bienvenue, une seule issue est possible, la victoire. La radio diffuse sans arrêt, vous l'avez entendu, de la musique militaire, et régulièrement, les speakers interviennent pour galvaniser la volonté guerrière des Arabes. Des phrases comme « Nous donnons à Israël la leçon de la mort » ou bien « Débarrassons la Palestine des sales bandes sionistes » reviennent sans arrêt sur l'antenne. Lorsque de violentes explosions ont retenti dans les faubourgs du Caire ce matin, la population est restée très calme. Bien entendu, la République arabe unie rejette sur Israël la responsabilité des combats. Très tôt ce matin, disent les communiqués, les avions et les blindés israéliens nous ont attaqués, nous nous sommes défendus. L'aéroport du Caire est fermé à tout trafic, de même que l'ensemble des aéroports arabes. Tous les témoignages de l'époque concordent sur ce point. En Israël, l'angoisse collective est énorme, et plus encore à l'heure où l'on creuse des cimetières dans les parcs publics. Les proclamations triomphales des radios arabes ne peuvent que la nourrir. Les militaires, eux, savent à quoi s'en tenir. Ils savent que le 5 juin au matin, 309 des 340 avions de la chasse égyptienne ont été détruits au sol, privant ainsi les blindés égyptiens du Sinaï de leur couverture aérienne. Mais il faut croire que la communication est plus lente. Les professionnels savent à quoi s'en tenir. Yossi Alfer, qui est éditeur de Bitterlemans, nous l'avons déjà rencontré, était alors officier du renseignement militaire. Pour lui, dès la première heure, l'issue des combats ne faisait aucun doute. Yossi Alfer. Moi et tous ceux qui étaient autour de moi avions une confiance totale en notre victoire. Nous ne connaissions pas tous les plans opérationnels, mais c'était frappant parce qu'on rentrait chez soi dans les semaines qui nous amenaient au 5 juin et on rencontrait des gens qui étaient beaucoup plus paniqués, particulièrement des juifs israéliens arabophones qui écoutaient les stations de radio arabes, qui parlaient de nous exterminer tous, de nous rejeter à la mer. Et ils avaient très peur. Donc oui, il y avait cette dichotomie entre la communauté militaire de sécurité d'un côté et ce qu'on appelle l'opinion publique, la rue d'un autre côté. Et bien sûr, c'est arrivé jusqu'au plus haut niveau, dans la personne de Lévi Eshkol, qui, en tant que ministre de la Défense et Premier ministre, avait construit l'idée de préparer à l'idée de cette guerre de façon extraordinaire, mais il n'a pas été capable de communiquer au public le sentiment de confiance. C'est la raison pour laquelle il y a une crise politique. Le premier gouvernement d'Union nationale qui a été mis sur place, Lévi Eshkol qui cédait la place à Moshe Dayan. Je me souviens maintenant. Non, je me souviens du moment où la guerre a éclaté. Très tôt le matin du 5 juin, Dayan parle à la radio. Et cette déclaration très brève qu'il a faite était un exercice fantastique de construction de confiance et d'unité nationale, de confiance. Oui, nous pouvons vaincre. D'heure en heure, périodiquement, la radio israélienne multiplie les appels au calme. Voici ce que nous avons entendu ce matin, Radio Israël en langue française. Il faut se conformer aux instructions des responsables de la défense passive qui se trouvent sur les lieux. Veiller sur les petits-enfants et leur apprendre à se conduire convenablement en cas d'alerte et de bombardement. En ce qui concerne le couvre-feu, il ne faut allumer aucune lumière du coucher au lever du soleil, sauf à l'intérieur des bâtiments où l'on a appliqué strictement auparavant les mesures relatives au couvre-feu. Je me souviens très bien, c'était 8 heures du matin, on a entendu le mot, c'était Sadin Adam, le mot qui était le Dan Merida. Pour commencer la guerre, nous étions pas loin de bancs de Gaza. Et on a commencé à bouger avec le char dans Gaza. Et je me souviens de voir le premier Israélien qui était tué par les ennemis, par les Arabes. C'était un chauffeur d'un commandant pas loin de moi. Et on avançait très vite. Contre les Égyptiens, l'armée égyptienne, là, on a eu une bataille importante à Rafah. Je pense que c'était à peu près à 2h ou 4h l'après-midi de ce jour. Et on a vu des chars qui étaient en feu, même nos chars, pas seulement des Égyptiens. J'ai perdu de camarades, là. Nous sommes venus à El Arish, qui était l'autre côté de l'Égypte, je pense que c'était 4 heures l'après-midi. Et c'était une grande surprise pour les Arabes. Je me souviens qu'on a eu quelqu'un de ces soldats arabes qui ont pensé que les Irakiens viennent aider, parce qu'ils n'ont pas cru que c'est les Israéliens. Eh bien, quelque part dans les archives de l'armée israélienne se trouve un document que j'ai écrit le lendemain de la guerre du Six-Jours, parce que j'étais... Zef Sternel. Je remplissais les fonctions d'officier d'opération du groupe de commandement de la division blindée, la division d'acier telle qu'elle est connue aujourd'hui, du général Tal. Et il y a aussi, peut-être qu'il n'y en a pas, enfin un enregistrement que j'ai fait quelques heures avant de partir parce que le général Tal m'avait demandé de le remplacer, de le faire, c'est-à-dire les deux journalistes qui étaient là, qui étaient aussi des amis à lui, des amis à moi, et qui voulaient enregistrer, si vous voulez, quelque chose à chaud, à la veille, quelques heures avant avant que nous bougions. Et je leur ai donné un résumé, et non pas de notre plan de combat, évidemment, mais des chances et des effets de cette guerre qui commençait, de cette bataille qui commençait précisément chez nous. Nous nous préparions dans notre division à quelque chose comme 70% de pertes. Et nous nous préparions à ce que notre division cesse en fait d'exister en tant qu'unité combattante d'envergure le soir du premier jour de bataille, et c'est la raison pour laquelle nous ne pensions pas que nous arriverions jusqu'à El Arish, et c'était la brigade de parachutistes de Motagur, le futur chef d'état-major, qui devait en fait poursuivre et nous remplacer en débarquant sur El Arish. Nous n'avions pas de plan de bataille au-delà. Et nous n'avions pas de carte d'état-major pour aller au-delà du Djabel Libni, quelque part au centre du Sinaï. Se sont terminées, nos cartes se sont terminées. On continuait sur une carte quasiment touristique. Une carte qu'un touriste qui va de Paris à Genève n'utilise pas. C'était ça la réalité. C'est ce à quoi nous nous attendions. Mais nous savions à 8h, 9h du matin déjà, et nous savions que l'aviation égyptienne était détruite, ce qui évidemment a changé beaucoup les données du problème, parce qu'on ne peut pas se battre dans le désert sans couverture aérienne si l'autre côté en a autant qu'on en veut. Donc nous savions où on en était, et dans l'après-midi du premier jour, et lorsque notre bataillon avançait de char et nous dit, je suis à le chef de bataillon dit, je suis à Athènes. Athènes, c'était le mot code pour El Arish. On le croyait pas. On lui a demandé deux ou trois fois, où es-tu? On dit, je suis à Athènes. Et ça, c'était quelque chose. Personne ne s'attendait à cela. Personne n'était prêt à cela. Alors évidemment, vers 4-5 heures de l'après-midi, le premier jour, la guerre était gagnée. Et la population civile ne le savait que plus tard, mais je ne sais pas ce qui se passait à Tel Aviv, mais je sais qu'à Tel Aviv, avant le début de cette campagne, on creusait des cimetières un peu dans les parcs publics. On préparait des cimetières pour des pertes civiles énormes. Ça aussi, ça fait partie de la réalité. Toute la journée, nous étions sous le feu terrible des armées jordaniennes. Chaim Gouri. Des 200 mètres de la colline de l'émotion qui est devenue plus tard une place sacrée de la mémoire de la bataille de Jérusalem. À minuit, quelqu'un de parachutiste est venu. Il cherchait le capitaine Gouri. Il m'a dit, nous allons attaquer maintenant, de passer parmi vous à 1h du matin. Mais tout d'abord, j'ai des bonnes nouvelles à vous dire. Et il faut les dire à vos soldats, parce que toute la journée, il n'y a rien. Les radios ont répété infiniment les mêmes slogans. Il y a des batailles terrain, des batailles de l'aviation dans l'air, tout ça. Pas une seule révélation de ce qui s'est passé en réalité. Il a dit, l'armée de l'air israélienne a ravagé tout, les bases aériennes et l'aviation égyptienne, syrienne et jordanienne. L'armée blindée israélienne avance dans le désert de Sinaï. Maintenant, la bataille de Jérusalem. Le colonel Mordechai Gour, chef des parachutistes de l'armée israélienne. Nous sommes installés sur la colline qui fait face à la vieille ville où nous allons bientôt entrer. La vieille ville de Jérusalem dont nous rêvons. Nous serons les premiers à y pénétrer. Les chars avancent. Ils entreront par les portes de la ville. Avancez, avancez vers la porte des lions. L'étape finale aura lieu là-haut. sur la place. La guerre du Six-Jours s'est faite dans le Sinaï. Elle s'est faite face à l'armée égyptienne. Zev Sternel. Nous n'avions même pas d'unité de première ligne en Cisjordanie. Tout était dans le Sinaï. C'est parce que la campagne dans le Sinaï s'est révélée être beaucoup plus facile qu'une brigade de parachutistes a pu être détournée du Sinaï vers Jérusalem. C'est elle qui a pris Jérusalem, en fait. Mais elle n'était pas là lorsque la guerre des Six-Jours a commencé. Elle était dans le sud. Et la Cisjordanie est tombée entre nos mains pratiquement par hasard. Je jure, je vais vous dire la vérité. Chaim Gouri. Israël ne voulait pas conquérir la partie orientale de Jérusalem. C'était au-delà des plans israéliens parce que le royaume hachémite a été toujours, même dès l'époque de Ben-Gurion et des rois Abdallah, vous savez. Mais c'était une erreur terrible du côté des armées jordaniennes. Ce n'est pas l'armée qui a décidé. C'était un capitaine jordanien fou qui a décidé de conquérir le palais dans la montagne des mauvais conseils, l'état-major des Nations Unies là-bas. Alors il y a eu une attaque, contre-attaque israélienne, et on a commencé les mouvements de force dans la Samarie à Jérusalem, on a décidé d'attaquer. Les parachutistes, ils ont passé près de nous quelques mètres. La bataille la plus farouche, la plus terrible a été sur la colline d'Emotion, qui était là, c'était le deuxième bataillon bédouin de roi Hussein, qui était très courageux. C'était une bataille corps à corps qui continuait toute la nuit jusqu'à l'aube, quand nous avons vu les prix terribles de centaines de morts, de blessés. À 11 heures, tout a été fini. Les parachutistes ont continué d'attaquer les autres postes dans la vieille ville et nous sommes restés là avec des cadavres de morts jordaniennes. Et notre devoir était d'enterrer. Je demandais à un de mes soldats d'écrire en anglais. Ici, here are buried brave Jordanian soldiers. Des soldats jordaniens courageux, que dans l'armée israélienne, Tzahal, Israel Army. Ici, on entend la voix du roi Hussein de Jordanie. Résistez, patientez, endurez, persévérez, tuez-les là où vous les trouvez, avec vos armes, avec vos mains, avec vos ongles, avec vos dents. Si la Jordanie, si le roi Hussein avait pu, comme il l'a fait six ans plus tard, en 73, ne pas se mêler de la guerre entre Israël et l'Égypte, Jérusalem-Est ne serait probablement pas tombé. Ça, personne ne peut le savoir. Mais autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas ici de troupes de première ligne, il y avait troupes de deuxième, troisième qualité qui tenaient la ligne de démarcation à Jérusalem. Tout notre effort, tout était dans le sud. Tout était dans le sud. Ce n'est que lorsque le roi Hussein a lancé la légion arabe et dans la bataille, que nous avons en fait répondu sans que tout cela soit prémédité et préparé. Évidemment, des plans théoriques, il y a toujours pour tout et pour n'importe quoi. Mais quand on analyse les rapports de force, la composition des troupes israéliennes en juin 67, on voit très bien que la Cisjordanie nous est tombé comme un fruit mûr sans que l'on fasse attention. La guerre des Six-Jours n'a pas été préméditée, n'était pas notre faute, ce qui n'est pas le cas de la guerre du Kippour, qui elle non plus n'était pas préméditée, mais qui était déjà notre faute. C'est une autre affaire. Le lendemain, Chaim Gouri reçut de l'ordre d'aller vers Ramallah. Au bord de la route vers Ramallah, tout a été vide, au-delà des murs, seulement des yeux comme ça, avec des drapeaux blancs sur les toits, une femme arabe comme ça debout. Je crois qu'elle était en choc. C'est belle. C'était comme une métaphore, elle a dit, je suis ici, je serai votre problème. C'était la rencontre avec les Palestiniennes. C'était Alors la guerre, 5 juin 1967. Vous avez entendu Chaim Gouri, Zev Sternel, Yossi Alfer, Dan Meridor. Traduction, Michel Zlotowski. Prise de son et mixage, Éric Boisset, Claire Levasseur. Merci à Véronique Jolivet et à Claire Poissignon pour la recherche dans les archives de l'INA. Une réalisation de Gilles Mardi-Rossian. Une émission de Marc Kravetz. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 août 2006. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. I'm